On va parler des Rapides d'Abel-Mississauga. Les Rapides, puis oui, cette fois, ont perdu en fin de semaine. C'était la seule équipe qui restait, à part le senior, mais dans l'hockey mineur, c'est la seule équipe. On en parle avec l'instructeur-chef des Rapides, Steve Ouellette. Salut, Steve. Bonjour. Steve, cette saison, la saison des Rapides, écoute, vous avez perdu dans le cadre de ce tournoi à la ronde en finale. Donc, j'imagine que l'instructeur doit être très, très content de l'année. Oh oui, je suis très fier de mes gars. Ils ont répondu à l'appel. Quand on a eu besoin, tout le monde s'est présenté. OK. Si on parlait un peu de la force de l'équipe cette année, ça a été à quel niveau, hein? Ben, cette année, je dirais qu'on avait en partant une bonne offensive. Ça, on OK. était certain. Dans les filets, on était très solide. J'avais deux vétérans, à mon avis, les deux meilleurs de la ligue. OK. Puis notre point d'interrogation se trouvait au niveau de la défensive, puisque j'avais toutes des recrues cette année. Mais Puis j'imagine qu'ils ont monté, ils ont progressé. Pour que tu te rendes au dernier et match de la oui. finale, il y a eu des progressions, là. Ben, c'est ce qui est arrivé au fil de l'année. Les gars ont très, très bien progressé en défensive. Les goaleurs, ben, ils savaient qu'il y avait deux excellents gardiens en arrière d'eux qui étaient là pour les accoter. Fait que, à ce moment-là, ça leur a donné une petite confiance. Puis mes joueurs d'avant, que je savais qu'ils étaient bons en offensive, ils ont amélioré grandement le jeu, le côté défensif cette année. Fait que là, ça a été encore un petit plus. Fait que tout ça mis ensemble, là, ça nous a permis là, de créer un noyau de joueurs là, très, très hermétique là, qui ont réussi à donner Donc, ce qu'on attendait d'eux, même un peu plus. on peut dire que c'était la chimie qui a fait en sorte pour les rapides là, que l'équipe s'est progressée. Oui, parce que j'avais un très bon esprit d'équipe, là. Tout ça ensemble, tout le monde était prêt à se donner un petit tape dans le dos là, pour avancer, là. Puis ça, là, ça a fait gros là, sur le rendement d'une équipe. L'année prochaine, ça dit quoi les Rapides? Est-ce qu'on va avoir une bonne équipe de ce que tu as vu? Y a-t-il bien des joueurs qui vont rester, qui partent? Ben, l'an prochain, là, je te dirais que je recommence pas à zéro, là, mais pas bien loin. On va avoir des bonnes recrues qui vont s'en venir. On devrait avoir une équipe au milieu de peloton. Donc, j'imagine que ça va être un peu la même affaire que ce qu'on a fait avec la défensive, c'est de voir l'équipe progresser tout au long de l'année. Ça va être ça qu'on vise, Ben, là. contrairement à l'année à cette année, c'est ma défensive qui reste là. La plupart de mes joueurs, là, c'est les défenseurs qui vont être là. Je vais partir avec quand même là. Trois défenseurs qui m'ont connu là, le Pee-wee 2B. Fait que non, c'est pas ce côté-là. Puis aussi, cette saison, je peux me permettre, là, on a eu quand même du côté offensif, c'était pas ça le problème. On a fini avec le premier marqueur de la ligue. Puis j'avais trois gars, tu sais, dans le top 20, là. Fait que ça a permis de donner une chance à nos défenseurs. Donc, j'imagine, qu'est-ce qui a manqué en fin de semaine? C'était l'opportuniste, c'était été battu par une meilleure équipe parce que les Bulldogs de Saint-Félicien, je regarde les scores, ça n'a pas été une dégelée. Donc, j'imagine que c'est peut-être le manque d'opportuniste, quoi. Ben, les Bulldogs ont un très bon club, là. Si on regarde là, le classement provincial, là, ils sont deuxièmes au Québec. Nous autres, on est classés 21e, là, mais à chaque fois que on a rencontré les Bulldogs, les gars, là, ils en ont toujours donné un petit peu plus, là. Presque qualifier ça d'une rivalité naturelle. Bon, c'est un peu comme les Les autres, ils castors veulent pas puis perdre. Ouais, c'est ça. un peu comme les castors puis le Marco Spa, tu sais, c'est un peu pareil là. Exactement. Oui. Les gars veulent pas perdre, puis les autres veulent pas perdre. Fait que ça donne tout le temps là, de bons matchs. OK. Steve, j'imagine que tu reviens. D'abord, tu as parlé comme d'un coach qui revenait. Est-ce que je me trompe? Non, non. Normalement, là, on va être là l'an prochain là, pour continuer notre travail. Ben, Steve, on va te féliciter pour ton travail avec les Rapides Peewee. Ça fut fort agréable. Puis au plaisir de se reparler l'an prochain. Merci beaucoup. L'instructeur au niveau Peewee, Steve Ouellet.